sexually, scientifically penetrating until she starts spiritually resonating. As a man, she real and says she are no plating. She is the only queen the king is designating. As a man, still the deal I am negotiating. I know it's kinda deep, but keep on concentrating. Cause Jazzy laid the beat and I am clearly stating. Every morning she shampoos my locks. Always have my back, she's standing true to that. Me, I the general and I'm a trooper that. Yo, run barefoot without my shoes and socks. She keep herself clean, man, I go catch no rash. And she love me for real, man, I feel you have no cash. And any little thing, and if my splish is flash. Hey, all this blinging is like you forgot. Use cheddar as a bait and you recruit a rat. So we listen, couple speech of Martin Luther chat. Dennis Brown, Bob Marley and some super cat. Now it seem like she live upside the Duke shop. Cause she don't have a scratch, it's only duty spot. When a one duty start is when one duty stop. 1-9 to 5, 1-5 to 12 o'clock. You see me? And we began dating, and everything was copper set. And we began dating, and then the way me love her good, she give me down ratings. Become a style and plenty full, and no one waiting. And she get her belly full, and no part scrapings. And the closer we pick up, the more she gravitating. Until she buckled down, and there is no escaping. Now we typically become an everyday thing. Regularly physically communicating, sexually scientifically penetrating. Until she starts spiritually resonating. As a man, she real and says she are no plating. She is the only queen the king is designating. As a man, see the deal I am negotiating. I know it's kinda deep, but keep on concentrating. Cause that's in the beat and I am clearly stating. Tous vos programmes Canal Plus, Canal Sat sur PC, tablette, smartphone. Way back way, you know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand, one more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.

connais mes défauts. Et peu importe ce que tu vois, je n'ai pas changé. Rattrape-moi, mets-moi dans le vrai, tire-moi vers le haut. Donne-moi la force de m'élever, des fois je me perds, mais ton regard est important. Ouais, je connais mes défauts. Et peu importe ce que tu vois, je n'ai pas changé. Rattrape-moi, mets-moi dans le vrai. Sachant qu'on a encore des choses à faire. Le bouquin nous dit épargner, qu'on est amené à perdre nos races égarées, qu'on sait jamais. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Kenyon, Big Z, connais qui ça il tropical beaches with the white sand. All I want is a one chance in your life to show you that you make the right decision. If I get you, girl, it's forever. Me not this your girl, no, no, never. If I get you, girl, it's forever. Sign and seal. Genuine love, this is real. Come try it, you're gonna love how it feel. All your broken heart, me a heal. Baby girl, come talk to me. Your man a give your problem, ball to me. Come pour out your heart to me. Cause he know your life where I wanna be. Can you identify my énergie, il est 6h13. Énergie, on tient, on va pas attendre pour la rouletta. Vous voulez jouer, tourner cette rouletta et gagner des cadeaux comme des billets de bateau aller-retour avec la compagnie DR ou encore des menus de chez Snack Élysée. Pas de problème, vous appelez au 0825 825 696 et dans la foulée, on se fait une rouletta. Il y aura donc forcément des cadeaux à gagner et du son, du très très bon avec Popcan. Vous l'avez découvert chez nous, c'est au Badwit. On écoutera aussi Rihanna et Wizkid avec Joël Ekba. Excellent réveil, bonne journée avec Énergie. Viens faire tourner la roulette à énergie des vacances et gagne des centaines de cadeaux. Place de soirée, ciné, concert. Des billets bateau pour les Saintes avec la compagnie DR. Et encore, plein de bons plans vacances. Prenez toujours du bon temps à l'écoute d'Énergie Antilles. Le 6-10 sur Énergie avec McDonald's. Darty, son accueil engageant, ses conseils professionnels, son contrat de confiance, sans oublier ses prix bien sûr. En ce moment, le lave-linge From Proline, d'une capacité de 5 kg et d'un essorage de 1000 tours minute, est à 279,99€, avec en plus la garantie 2 ans pièces et main d'œuvre et déplacement dans la zone de confiance par le SAV Darty. À bientôt chez Darty. Tout de suite, retour du 6-10 sur Énergie avec McDonald's. Antilles, première radio musicale. Oh, retrouvez tout Énergie Antilles sur votre smartphone. Plus de 90 web radios. Téléchargez gratuitement l'appli Énergie Antilles. Le samedi 6 août, 4 Life et Energy vous invitent à voyager avec une mille et une bulles à la Casa et vous prépare une soirée mémorable haute en couleurs. Les meilleurs DJ seront rendez-vous pour animer une soirée d'exception. DJ 507, DJ Killer, DJ Dunker et le grand retour de DJ Greg. Deux salles, deux ambiances et attention! Pour la première fois, une salle sera réservée exclusivement aux French Soca Lovers. Prestige, pack VIP, pack mille et une bulles à disposition au 06 90 81 52 25. 20€ sur place, prévente 15€ en ligne sur onofftickets.fr, allmall.com, bisouk.com ou à Microforce, Moudong et Destreland. Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d'entrée. Mille et une bulles à la Casa, le 6 août en partenariat avec DSP et NRJ. La Blue Magic revient pour sa deuxième édition des vacances d'été 2016. Au Kama, toujours plus fun, toujours électrique. Prépare-toi à une édition classe et chic. All Black, Everything. DJ Moody Mike. DJ Oui-Oui. When we touch down. DJ Killer. DJ PTB. Dress code. All Black, Everything. Osez le tout noir. Ou une touche de noir. Reza et Infoline 0690 555 884. Prévente disponible sur allmall.com. Faire vérifier sa vue est indispensable, mais trouver ensuite un opticien qui prend soin de la santé de mes yeux, c'est parfois compliqué. Moi, j'ai trouvé, c'est Optique Le Gros. En ce moment, pour l'achat d'un équipement complet, monture et verre, Optique Le Gros m'offre une deuxième paire de vues et une troisième paire de solaires pour 1€ de plus, sans limite d'âge. Alors là, merci Optique Le Gros. Optique Le Gros, Pointe-à-Pitre d'Estrémant de Convenance et Basse-Terre pour vous servir. Offre valable jusqu'au 30 septembre, voire conditions en magasin. Antilles, première radio musicale. Votre restaurant Eden Lounge. Une carte gourmande, des mets raffinés, un cadre reposant et un service de qualité. Eden Lounge. Ouvert du mardi au vendredi midi et du mercredi au samedi soir. Karaoké, happy hour et live musical. Brunch tous les premiers samedis du mois. Eden Lounge, votre restaurant à Moudong. Retrouvez notre actualité sur la page Facebook Eden Lounge Restaurant. Réservation au 0690 70 47 19. Eden Lounge, le goût du paradis. Tout de suite, retour du 6-10 sur Énergie avec McDonald's. Énergie, it's legendary beat. seed. Say me a overdo it, oh yeah. Hey, y'all have you say, why make you clean so? Oh yeah. Y'all have you say, why make you clean so? I grip smoke a flow through me window. Me a overdo it. Woman a fit. Love me style, let me smell me cologne from my mind. Love me style, me squeeze your breast, them we're fragile. Me don't love man, so don't love me. Me get y'all easy like Doremi. Me want every girl out halfway tree. Me a overdo it. Unruly Josh, spaceship leave off and them can't see me. In the front, man a squeeze up them girlfriend TD. Me have the key for the place like Zizi. Higher than Sky Vodka, we no use PD. Me can't overstand how some boy move silly. Feel we a name brand, them got on free willy. Them boy, they no militant, ask Millie. Dead them fit dead, they no kill it. Man grow as a shooty. We don't buffy Gucci. From man of little bit of close, girl still a fi ask me. Sessions, c'est 4 heures de mix dès 21h. Énergie numéro 1 sur les meilleurs DJ. La Blue Magic revient pour sa deuxième édition des vacances d'été 2016. Au Gamma, toujours plus fun, toujours électrique. Prépare-toi à une édition classe et chic. All Black, Everything. DJ Moody Mike. DJ Oui. When we touch down. DJ Killer. DJ PTB. Dress Code. All Black, Everything. Osez le tout noir ou une touche de noir. Reza et Infoline 0690 555 884. Et ventes disponibles sur allmall.com. Dans un instant, c'est le retour des hits sur Énergie Antilles, première radio musicale. Viens faire tourner la roulette à Énergie des vacances et gagne des centaines de cadeaux. Place de soirée, ciné, concert. Des billets bateaux pour les Saintes avec la compagnie DR. Et encore, plein de bons plans vacances. Prenez toujours du bon temps à l'écoute d'Énergie Antilles. Suite, retour du 6-10 sur Énergie avec McDonald's. Hey Russia, battle a money a program. And I feel like Taiwan. Laissez-moi soigner au music codéine. Moi c'est un artiste, moi qui bat un volé rime. Maintenant on met des lignes, girl. Moi quoi qu'un animal bon fait Eline. Est-ce que j'ai ici la ligne? Tu n'y pètes tout stress sans aller pour l'île. Toutes copines ont déjà dit au fuck ou follow him. Girl follow me, mais madame Bendo, sa dose sa clean. Ah, everything nice, on nous taille et Colombia. Fais-moi planer qu'on amnésia. One in a billion, one in a billion, guapa. On nous fly, c'est notre état. Love your body girl, yeah me love your body girl. À peine levé les bons matins, on vient t'es fort. On qu'à mettre sur piédestal. Descends le cas, t'es gagné sans escale. Yo du me ou mental, c'est en danger. La vie ou pas t'es facile, ça qu'est changé. Moi pas qu'à vendre les bancs si on dit. Dis-moi ou pas viser méfier. Ah, everything nice, on nous taille Colombia. Pas de gueule qu'à faire, moi plané pour amnésia. One in a million, one in a million, guapa. On nous fly, seigneur. Take a rush on. Why you let me baby mette me high? Dévaste moi qu'on l'arme. Tsunami. Oh man me love so. Ah, everything nice. On nous taille Colombia.

I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Skiddly down, down, down, down. Y'all, I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all, me need fi know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? Would you call me? If you knew I wasn't ballin'? Cause I need a girl who's always by my side. Tell me, do you need me? Tell me, do you love me? Yeah. Or is you just tryna play me? Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, it's music only. Ça c'est clair, c'est rien qui sexe, pas c'est ni histoire de faire. Et si vous tombez là, vous qui dit comment faut une chair. Nous on pas là pour faire la peine. On nous finit et puis ça s'ouvre ou pas ça fait. Nous peut continuer, ouais, quand nous même pas dit moi je t'aime pas, dit ouais, m'y aime. Nous on pas là pour faire la peine. On nous finit et puis ça s'ouvre ou pas ça fait. Bébé, bébé, relation nous compliquée. De plus en plus tu cherches à m'éviter. Entre nous, aucune réciprocité. Mais j'ai du mal à me valider. De jour en jour, sentiment qu'a grandi. Alors que bah ouais, un peu qui bougeait. Oui, moi je sais, tout ça déjà prédit. Mais l'histoire peut changer. Je t'en ai avec passion. Tendrement, lentement. Je l'ai tenu, t'es ma posée. Sur mon corps comme s'il t'appartenait. Je t'en ai avec passion. Entre nous, y'a qui sexe, t'es ni entre nous. T'es jadis, ma ça dès le départ. Mais non, t'es chou pas vexe, tout doux. Et puis, on est sexe, toujours. Love money, bon, malheureusement, ça trop tard. Je t'aimerai avec passion. Tendrement, lentement. Je l'ai tenu, t'es ma posée. Yes, yes. Sur mon corps, comme s'il t'appartenait. Je t'aimerai avec passion. Tendrement, lentement. Je l'ai tenu. Baby, laisse-moi t'aimer.

Bon réveil avec énergie, on se met bien. On va écouter Alicia Keys, Calvin Harris et VG Ben. Il est 7h. Depuis le départ, qu'a senti moins bien aller tous les jours en vérité. Wow, y'a l'ou qui aille là où veille. Ou bas qui kè en moi, elle veut mettre sentiment en otage. Y'a l'ou c'est une belle jeune femme. En fait pas ou rêver seul. Pas qui fait tout pour ses temps. En foi, c'est là qui était d'ailleurs. Et nous qui flexons, qui fait des mounes. Et qui a dansé, encore qu'a senti moins bien. Qui pour aller sans retour. En nous partis sans garder d'ailleurs. En sa bonjour qui est en moi, serait moins fort pour pas faire rien. En vérité, en pas changé, en toujours le même. Belle jeune femme, belle jeune femme, en vrai en tout genre. Si nous qu'est-ce pour on life, passons le tous les jours, tous les jours. Pouvez ça sans dire jamais vers tous les jours. Quoi que t'as là. Chérie, ou tout ce qu'on flaire, envie de sentir l'odeur, au manier, ou écouter. Ou wow, tout le monde fier, mais même souvenir à l'essentiel, sans tête à voir qu'elle chute. Même ou à tout en faire, il pas de pipriens qui ou galambé à tout près. Ou non, stress, à quoi trop à cachaille, ou à vous vivre. Je suis une belle jeune femme, une belle jeune femme, en vrai, en tout genre. Si nous qu'est-ce pour life, passons le tout. And I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. You stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. Nah, nah, nah, maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Get an eye on our supplier, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. Somebody like me, you wanna love somebody like me, if you could love. énergie. Watching her, but she's This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Avec énergie, 7h15. Énergie vacances. Ouais. Énergie, c'est bientôt la fête des Saintes. C'est à la mi-août. La fête des Saintes, c'est toujours énorme. Voilà une très bonne occasion d'aller faire un tour à Terre de Haut, Terre de Bas, avec la compagnie DR. On vous offre vos deux billets de bateau aller-retour et ça se gagne où? Bah, ça se gagne à la Rouletta, forcément. Et bah, pour se faire plaisir, appelez-moi au 0825-825-696. Dans un instant, on va écouter Easy Kenanga avec Comme Si. On écoutera aussi Timaya, Taiga et Ken Jones sur Énergie. Sur Énergie avec McDonald's. Viens faire tourner la roulette à Énergie des vacances et gagne des centaines de cadeaux. Place de soirée, ciné, concert. Des billets bateau pour les Saintes avec la compagnie DR. Et encore, plein de bons plans vacances. Prenez toujours du bon temps à l'écoute d'Énergie Antilles. Le samedi 6 août, 4 Life et Energy vous invitent à voyager avec une mille et une bulles à la Casa et vous prépare une soirée mémorable haute en couleur. Les meilleurs DJ seront rendez-vous pour animer une soirée d'exception. DJ 507, DJ Killer, DJ Dunkers et le grand retour de DJ Greg. Deux salles, deux ambiances et attention! Pour la première fois, une salle sera réservée exclusivement aux French Soca Lovers. Prestige, pack VIP et pack mille et une bulles à disposition au 06 90 81 52 25. 20€ sur place, prévente 15€. En ligne sur onofftickets.fr, allmall.com, bisouk.com ou à Microforce, Moudong et Destreland. Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d'entrée. Mille et une bulles à la Casa le 6 août en partenariat avec DSP et LRJ. La Blue Magic revient pour sa deuxième édition des vacances d'été 2016. Au Kama, toujours plus fun, toujours électrique. Prépare-toi à une édition classe et chic. All Black, Everything, DJ Moody Mike, DJ Wee-Wee, DJ Killer, DJ PTB, Dress Code, All Black Everything, Osez le tout noir ou une touche de noir. Reza et Infoline 0690 555 884. Prévente disponible sur allmall.com. Souviens-toi de ça. La Casa is the number one club in the Caribbean, bad guy. Mais c'est la sauce spéciale dédicace à la Casa. La Casa of the Caribbean is back, baby. Le vendredi 5 août, Carès Antillaise présente le grand retour des Olzou Caribbean. Au platine, DJ Mr. Joe, DJ Vin et DJ Oui Oui. Et toujours deux pistes de ambiance comme à l'ancienne. Le vendredi 5 août, venez revivre les plus belles années de la Casa. Billets en vente sur allmall.com. La Casa, number one nightclub in the Caribbean. En ce moment chez Darty, c'est la folie sur les prix. Découvrez par exemple le four micro-ondes ProLine avec plateau de 24,5 cm et ses 17 litres de capacité pour 59,99€. Profitez de conditions d'achat et de garanties exceptionnelles sur de nombreux articles. L'esprit Darty, c'est une expérience consommateur réussie. Durant toutes les vacances, le plus grand rassemblement de DJ des Caraïbes est sur Énergie Antilles. Énergie Cool Sessions, 21h, 1h du mat. Énergie Cool Session, DJ Oui Oui, Vibes, Winston, Raptor, BTB, Sky, RK, Killers, Mr. Joe, le Shandugan Crew, Taz, School, Enco, Rise of Sound. Énergie Cool Sessions, c'est 4h de mix dès 21h. Énergie numéro 1 sur les meilleurs DJ.

possible. Yoann et Mika sur Énergie Antilles. Viens faire tourner la roulette à énergie des vacances et gagne des centaines de cadeaux. Première roulette de la journée, on va jouer avec, avec Patrice qui est du côté de la Guadeloupe. Salut Patrice. Salut, ça va? Ça va bien, t'es où en Guadeloupe? Comment? Tu es où, quelle commune en Guadeloupe? Aux Abîmes. Aux Abîmes, très bien. On a également Mirella qui est du côté du Robert en Martinique. Mirella. Ah, je crois avoir des doigts trop gros. J'ai fait une mauvaise manipulation pour Mirella, ça va être tendu. Mirella, je te rappelle, promis. On va faire la roulette, c'est parti, Patrice. Ok. Go. Go. Bon, allez, tu sais ce qui se passe? Je crois que tu vas bien t'amuser. Tu sais, c'est le week-end du 15 août. En général, oui. C'est la fête aux Saintes. Ah, c'est super alors. Alors, on va te filer deux billets de bateau aller-retour avec la compagnie DR au départ de Trois-Rivières. Donc voilà, deux billets de bateau aller-retour pour toi, c'est cadeau. Merci beaucoup, Énergie. Pas de quoi, reste avec nous, Patrice. On enchaîne avec Sierra. Okay. Sierra, like boy sur Énergie Antilles. Il est 7h40. Prochaine roulette à venir tout à l'heure. Appelez au 0825 825 696. Trash, get in your cash like I'm fast, like I'm girl, you wanna act like it is. Security codes on everything, on my bracelet, phone don't ever ring. And another one he don't know about. Wish we could switch up the roles. I could be that, tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me, like where you be at? Cause I'm out. That car when you win them like them. Keep a straight face when you tell a lie. Always keep an airtight alibi. What he don't know won't break his heart. Wish we could switch up the roles. And I could be that. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me? Like where you be at? Cause I'm out. Like you won't come out up in your shoes. I'm messing with your head again. Dose of your own medicine. What if I had a thing on the side? Yeah.

jalousie, j'ai tué dans mon girl ou pas ni bon confiance à dans moi. A bé par été trop loin de vous, pas sa f'tan fermé, ça pas rien. Sourire au carin de moi fou, pensez à en vrai tristesse à la tête. Pas t'es j'en comprenne que c'est vous, qui t'es que fait moi marcher à l'appel. Mais si là est nos rendez-vous, un qui parti avec ça pas rien. Ou j'ai essayé, mais ça pas la peine. Nous qu'à vivre dans des mondes parallèles. Village à qu'à défiler, si moi avait un ripani encore. On t'a laissé ça tomber. Et même si on aime moins en l'eau. Vini, vini, oh, ah, moi, m'en fous à ça, yo, pensez de nous. Vini, vlopé, ou en bras, moi, qui garde ses ni aux alentours. Parole, pas si content, moi, c'est avec un homme fou. Pas ça, sans fait par un moins, paranoïa, là, ben, moins doute. Vini, vini, oh, ah, moi, m'en fous à ça, yo, pensez de nous. Vini flopé en bras en moins qui garde ses ni aux alentours. Et si ça t'est ni pour fin, girl, en pâté que regrette rien. Sentiment en moins touché limite, relation en nous pâté ni valeur. Souterrété ou en moins, souterrété en bras en moins. Si en terrété seul, a rien de tout ça pâté qui fait. Problème t'es qu'à prendre en moins, vous-même à tout, on pas changé à rien. Parole à yo, pas t'es pour moi, ou fait tant, ou moi-même en fait en moins. En vérité, en paix, j'ai oublié. Flèche à Cupidon, passé derrière, il pique et j'ai ou tout. Vini, vini, oh, ah, moi, m'en fous à ça, yo, pensez de nous. Vini, vlopé ou en bras, moi, qui garde ses ni aux alentours. Parole pas si content, moi, c'est avec un homme fou. Pas ça sans fait par un moins paranoïa là ben moins doute. Vini vini ou ah moins m'en fous à ça yo pensez de nous. Vini flopé ou en bras en moins qui garde ses ni aux alentours. Vini vini ou ah moins. Vini flopé ou en bras en moins. Parole pas si content moins. Pas ça sans fait par un moins. Et révélé avec Maman dis-moi un TKMJ revient avec la Belle et la Bête sur Énergie Antilles. Énergie Vacances. Énergie, je rappelle que ce soir c'est l'After Yol avec tout le collectif Shandu Gang, ça se passe en Martinique. Et ce week-end, on a quoi? On a la mille et une bulles, on a également la grosse soirée évidemment du week-end, la Blue Magic également. Et si vous voulez gagner vos places, c'est à la Rouletta, c'est au 0825-825-696. Dans un instant, c'est Wizkid. Au Jolegba sur Énergie, 8h17. Le 6-10 sur Énergie avec McDonald's. Viens faire tourner la roulette à énergie des vacances et gagne des centaines de cadeaux. Place de soirée, ciné, concert. Des billets bateaux pour les Saintes avec la compagnie DR. Et encore, plein de bons plans vacances. Prenez toujours du bon temps à l'écoute d'Énergie Antilles. Faire vérifier sa vue est indispensable. Mais trouver ensuite un opticien qui prend soin de la santé de mes yeux, c'est parfois compliqué. Moi, j'ai trouvé. C'est Optique Le Gros. En ce moment, pour l'achat d'un équipement complet, monture et verre, Optique Le Gros m'offre une deuxième paire de vues et une troisième paire de solaires pour 1 euro de plus, sans limite d'âge. Alors là, merci Optique Le Gros. Optique Le Gros, Pointe-à-Pitre d'Estrélan de Convenance et Basse-Terre pour vous servir. Offre valable jusqu'au 30 septembre, voire condition en magasin. Le samedi 6 août, For Life et Energy vous invitent à voyager avec une mille et une bulles à la Casa et vous prépare une soirée mémorable haute en couleurs. Les meilleurs DJ seront rendez-vous pour animer une soirée d'exception. DJ 507, DJ Killer, DJ Dunkers et le grand retour de DJ Greg. Deux salles, deux ambiances et attention! Pour la première fois, une salle sera réservée exclusivement aux French Soca Lovers. Prestige, pack VIP, pack mille et une bulles à disposition au 06 90 81 52 25. 20 euros sur place, prévente 15 euros en ligne sur onofftickets.fr, allmall.com, bisouk.com ou à Microforce, Moudong et Destreland. Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d'entrée. Mille et une bulles à la Casa, le 6 août, en partenariat avec DSP et LRJ.

for trying to reach the things that I can't see. This is energy. Hey, this is energy. This is energy. La peine nous fait pleurer, à faire souffrir, bref, tout déchirer. Mais celle qui entre en moi, je dis vous, en pas moins sans vous. Nous déchirer, nous casser, nous te mettre, nous ensemble, c'était pour toujours. Nous passer l'année galère, péripétie, et pourtant, femme, on se le coup. Vous décidez qu'elle qu'aimer tout seul. Jalousie à mon effet mauvais conseil. Fait qu'un bras on doit ouais, chercher confort. Mais non doudou, ni vous ni moi pas y a dans sens à tout ça. Que nous te promet nous. En faire la paix nous faire pleurer. En faire souffrir bref nous déchirer nous. Mais c'est eux qui entrent en moi. Joli jour. En pas moins sans vous. C'est là qu'a mandé moi quand ou qu'a fait sous qu'a songé moi toujours. Allez nous capables de croiser nous sans même y'en envie de dire l'autre bonjour. Est-ce qu'a qu'a manqué au lover tout seul. C'est vrai que depuis nous laisser au plus belle. Si vous trouvez bonheur ou man c'est l'essentiel. Pas sans doudou. Ni vous ni moi pas y'a de sens à tout ça. Que nous t'es beau mais tout. En faire la paix nous faire plaire. Bref, nous déchirer nous. Mais c'est eux qui entraînent en moi. Je dis vous. En pas moins sans vous. Oui, doudou. En ça vous j'ai oublié. Mais quand si vous êtes, je vais faire vie à vous. Et laissez le préfet d'imaginer que des lèvres ou qu'à faire l'amour. Éveillons d'autres, dis-moi ça. Faut la peine, nous faire pleurer, en faire souffrir, bref, nous déchirer. Mais c'est eux qui entraînent en moi, et je dis vous, en pas moins sans vous. Oui, doudou, en ça vous j'ai oublié, mais quand si vous êtes, je vais faire vie à vous. Et laissez préférer imaginer que des lèvres. City, I'm just visiting. I'm just pillaging the villages. I see the pretty diamonds that I want. I know they're gonna give it up. Beautiful girls are my treasure. Looting their hearts is my pleasure. I've sailed across the seven seas, yeah. But this is my territory. Hey, 'cause I'm a tougher than Blackbeard. And my style them borrow from Henry Morgan days. Out of Port Royal where the ship them dock. Them know a trouble from the sails them black. But when them see this skull and bone from that, from the girl them mad man a go launch and attack. I'm a pirate. A pirate of the Caribbean. I'm a pirate. She telling them to get lost. c'est parti pour nouvelle rouletta. Viens faire tourner la rouletta énergie des vacances et gagne des centaines de cadeaux. Et on va jouer avec Audrey et Athéna. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On va commencer par Athéna qui est en Martinique, Martinique, c'est ça? Quelle commune? Oui. Quelle commune, Athéna? Rivière Salée. Rivière Salée, ok. On y va pour la rouletta, c'est parti. Go. Top. C'est donc Athéna la première à jouer à la rouletta. Athéna, on va te filer des places pour aller au cinéma, pour aller voir le film qui te plaît. D'accord. Et apparemment, Athéna, je sais que tu es fan de Will Smith. Ah bon? Ouais, je dis ça. En général, une fille sur deux est fan de Will Smith, donc je me suis dit, tiens, je tombe sur la bonne personne. Non, c'est pas le cas? Pas du tout, Athéna? Bon, non. Bon, d'accord, très bien, merci. Reste avec nous, tu te déplaces au ciné, tu iras voir le film qu'il te plaît et peut-être le nouveau film de Will Smith. On joue d'accord. Maintenant avec Audrey. Salut Audrey, t'es dans quelle commune en Guadeloupe? De Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, ok, on y va, c'est parti. Sympa. J'ai adoré le top. Audrey, on va à toi aussi te filer des places pour aller au cinéma, pour aller mater le film qu'il te plaît. Alors merci si... Beaucoup, je te remercie. Ah bah, si Athéna n'aime pas Will Smith, c'est toi. Tu finis un peu? Moi, ça va, j'aime bien. Bon, super, voilà. Je suis mal barré. Merci beaucoup les filles. Et à très vite sur Energy pour d'autres cadeaux à gagner. On écoute Cloud 5. Allez, on va bouger un peu avec No Behavior sur Energy Antilles. Yo, yo. This is the biggest call. When we touch down, you won't play shallow.

places de soirée, ciné, concerts. Des billets bateaux pour les Saintes avec la compagnie DR. Et encore, plein de bons plans vacances. Prenez toujours du bon temps à l'écoute d'Énergie Antilles. Tout de suite, retour du 6-10 sur Énergie avec McDonald's. Énergie. Eat music. Only. Only. Only. Hey Russia, but all the money a program. And I feel like Taiwan. Laissez-moi soigner au musique codéine. Moi c'est un artiste, moi qui balle en volé rime. Maintenant on met des lignes, girl. Moi quoi qu'un animal pour faire Eline. Est-ce que j'ai ici la ligne? Tu n'y pètes tout stress sans aller pour l'île. Toute copine où j'ai dit, oh fuck, ou follow him. Girl, follow me. Mais madame Bendo, ça doit ça clean. Ah, everything nice, on nous taille Colombia. Fais moi planer qu'on amnésia. One in a billion, one in a billion, guapa. On nous fly, señorita. Love your body girl, yeah me love your body girl. À peine levé les beaux matins, on est fort. On qu'à mettre sur pied de style. Descendre quand t'es gagné sans escale. Yo tu me remontes à là, c'est un danger. La vie ou pas t'es facile, ça qu'est changé. Moi pas qu'à vendre mes pensées. Dis-moi ou pas bise méfier. Ah, everything nice, on nous taille Colombia. Pas de gueule qu'à faire, moi plané qu'on amnésia. One in a billion, one in a billion, guapa. On nous fly, señor. Take a rush on. Why you love me, baby? Mettez-moi high. Dévastez-moi qu'on l'arme. Tsunami. Oh, mommy, love so. Ah, everything nice. On nous taille Colombia. Baby girl. Pas de gueule qu'à faire. Moi plané pour amnésia. One in a million. One in a million. Fly, señorita. Kalashnikov. It's music only. Me late one day. She was always on.

Deux salles, deux ambiances, et attention! Pour la première fois, une salle sera réservée exclusivement aux French Soca Lovers. Pack Prestige, pack VIP, pack mille et une bulles à disposition au 06 90 81 52 25. 20 euros sur place, prévente 15 euros. En ligne sur onofftickets.fr, allmall.com, bisouk.com ou à Microforce, Moudong et Destreland. Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d'entrée. Mille et une bulles à la Casa le 6 août en partenariat avec DSP et NRJ. Souviens-toi de ça. La Casa is the number one club in the Caribbean, bad guy. C'est la sauce spéciale dédicace à la Casa. La Casa Olzou Caribbean is back, baby. Le vendredi 5 août, Carré Santillès présente le grand retour des Olzou Caribbean. Au platine, DJ Mister Joe, DJ Vin et DJ Oui Oui. Et toujours deux pistes de ambiance comme à l'ancienne. Le vendredi 5 août, venez revivre les plus belles années de la Casa. Billets en vente sur allmall.com. La Casa, number one nightclub in the Caribbean. La Blue Magic revient pour sa deuxième édition des vacances d'été 2016. Au Gamma, toujours plus fun, toujours électrique. Prépare-toi à une édition classe et chic. All Black, Everything. DJ Moody Mike. DJ Oui Oui. When We We Touch Down. DJ Killer. DJ PTB. Dress Code. All Black, Everything. Osez le tout noir ou une touche de noir. Reza et Infoline 0690 555 884. Prévente disponible sur allmall.com. Retrouvez tout Énergie Antilles sur votre smartphone. Tous les hits Énergie en illimité et sans abonnement en sont ultra HD. Téléchargez gratuitement l'appli Énergie Antilles. Tout de suite, retour du 6-10 sur Énergie avec McDonald's. Car c'est une belle jeune femme, une belle jeune femme envoie en tout genre. Si nous qu'est-ce pour un life, passons vers tous les jours, tous les jours. Pour baisser la sans-y, j'en me verre tous les jours. Et hey, qui a moins chal viré depuis le départ. Car senti moins bien aller tous les jours en vérité, wow. Yalou ke hay la ou ve hay. Ou ba ke ke amwe ve ou met sentiment en otage. Yalou se yon bel jen fan. An ve pa ou rete sel. Man ke fe tout pou se tan mwen. An fwa se la ki rete deye. E nou ke flek fa ou ki pe de moun. E ki a danse a ou ke ka senti mwen bien. Ke pon ale san retou. An nou pati san gade deye. An sa bonjou ke tan mwen. Serai moins fort pour pas faire rien. En vérité, en pas changé. En toujours le même. Belle jeune femme, belle jeune femme, envoie en tout genre. Si nous qu'est-ce pour un life, passons vers tous les jours. Tous les jours. Pour faire ça sans dire jamais vers tous les jours. Quoi que t'as là, chérie, ou tous qu'on flaire. On veut sentir l'odeur, on m'a nié ou écouté. Wow, tout le monde fier. Mais même souvenir à l'essentiel, c'est à moi qu'est shooté. Même moi, tout en fait. Il pas du pibriant qui ou gala, on veut être tout près. Ou non, stress. À quoi trop à cacher, on va vous vivre. J'ai le seul belle jeune femme. Belle jeune femme, envoie en tout genre. Si nous qu'est-ce pour life, passons le tout. Music only. Come, let's dance till morning. shame. Hold tight, you take yourself, we know you're so vain. Don't lie, you know I love it, baby, no way. Yo, oh my, you know I like the way you rotate. Close thighs, Copacabana, ring your Dolce. All lies, it's on my lady, but it's okay. I know why, you're super wavy, baby, oh. Baby, you're my cup of tea, and I really wanna be in your company. Any good thing coming is gonna come to me when I pop, pop in your dungarees. And again, 20, you know I'm defeated. The fight is so big, my squad don't believe it. And haters gonna dislike, cheesy like Chris Light. Trippy, this is sick life, now I'm singing this life. Oh, mamacita, come let's get my familia. I like your style. The hard way, close ties, you only make it if you go free. Don't die, remember starting up my own way. Won't lie, I used to bust a baby, no train, no sky. Now when you bust a baby, throw shade on those guys. You know I liked you back in no way. Oh nine, you used to call me on my house phone. Late night, my mom complaining, but it's okay. It's your time, protect, believe my baby. Oh, baby, you're my cup of tea, and I really wanna be in your company. Cause the whole industry's trying to come for me. Plenty pictures on the gram, save some for me. Hotter than 81 degrees, yeah. None of them girls got nothing on your sneeze, yeah. And haters hitting dislike, smiley with a kiss like, scrolling through your pics like, got me singing this like. Oh, mamacita, come let's get more familia. I like your style. Since you going in, since you wanna vibe, yeah, vibe, vibe. Yeah. Mamacita. Oh, mamacita, come let's get more familia. I like your style, I like your style. Hey, mamacita, come let's stay till mañana. Baby, baby. Oh. I like your style, I like your style. Girl, I wanna meet you in my next life. My girl in the dark, you're my sunlight. The street life, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. With you, I wanna live a good life. If we had kids, what would it be like? But tonight, let's live and enjoy life. Cause I'm on the road my whole life. Tell me, lady, tell me, lady. Oh, yeah, yeah. Really? Tell me, lady. Tourner.

Frérot dehors, les choses ont changé. C'est au tour des petits frères de manger. Nous, on a fait notre temps, comme on a tout niqué, comme on s'est fait niquer. Il m'a dit saut, parle pour toi. Au moins t'as une mifa qui est là pour toi. Donc sache petit frère que ce que tu vis dans ta vie, je l'ai vécu autrefois. Laisse-moi te dire que tu perdras. Lui la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Et tu te bats pour une femme qui au final ne t'aime pas. La rue te fait du charme. Oui, je t'ai vu dans ses bras. Laisse-moi te dire que tu perds. Sûr de moi, des larmes et de la peine autour de toi. J'ai grandi parmi les youfs. Le soir, ça allait voler des turfs. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. Certains canviers, hey, pas si nice. Il cool, il sweet, un princess. Nom ga goutise, hey, pas si yo sa femme qu'on lit, pas si ni en le site. Fait tout ça yo paye, ou fait bag bel auto exposé, signe des riches. Mais toi la pas materialiste, non, non, non, non, non. She is a queen. J'ai eu confiance à vous, confiez-moi les manettes. Moi, je vous promets d'être honnête. Chantez bas, baby, coucou, gars honnête. Et l'automne minuit, nous qui disparaissons. Pourrait trouver nous tous les deux, en toute intimité. Parti n'a rien qu'à poster sur internet. Somme de gosses, somme de ces rampes, pam, pam, pam, ragadagadang, spring, bam, badadang. Explosion consiste en big bang. Moi, et mes autres, ils me plaisent chaque minute, chaque seconde, bang, bang, bang, bang. Où c'est y'a queen et moi, c'est king. You are my queen. dans vos programmes où vous voulez, quand vous voulez. And you're listening to Energy. Baby, I like your style.